You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hop-a-day, Steven! Oui, épisode numéro 74 de l'Horreur Gamer Show! Déjà! Salut tout le monde qui nous écoute. Et oui, l'épisode numéro 74 de l'Horreur Gamer Show. Et je suis allé direct envers Steven aujourd'hui parce que on n'a pas de présentation à faire de personne d'autre. Parce que c'est le bras de fer des films, pas de GF, avec juste toi et moi. Puis c'est comme si, en tout cas, écoute, c'est du n'importe quoi. Mais on est là. On aime ça comme ça, hein? C'est correct. Non, c'est ça. Évidemment, GF et Vicky ne peuvent pas être là ce soir. Peut-être Vicky va nous rejoindre pendant l'enregistrement. On ne le sait pas. On l'espère. Parce que je sais qu'elle a vu des films. Mais elle en a parlé vite sur Messenger. Elle me posait une question ou deux concernant un des films. Puis j'aimerais bien savoir... son opinion là-dessus, parce que d'après moi, elle aurait quelques petites choses à dire. Ça pourrait être très, très intéressant. Peu importe. Hey, aujourd'hui, Steven, pour ceux qui nous écoutent, on a l'épisode spécial Comédie Noire. Oui, c'est cool. J'adore les comédies noires. Ouais, et là, il faut pas mélanger. Ce n'est pas les frères Wayans qui ont fait ces films. Ça n'a rien à voir. Il n'y a surtout pas de blackface pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, parce que le blackface, tout le monde, en 2016, revenez-en. C'est plus drôle. Non. Non, c'est ça. mais c'est plutôt les comédies qui font grincer là, en même temps. Là. En tout cas, tu nous avais sorti. C'est Vicky qui a proposé le thème. Je pense que les gens avaient voté un peu pour ça. Mais côté film, c'est toi, Steven, qui avait fait un paquet de suggestions. T'en avais sorti, bon, j'ai bombardé ça, moi, dans le groupe. Puis choisissez. Finalement, comme c'était Vicky qui avait le dernier mot, parce que c'était son sujet, on lui a laissé choisir des films. Alors, elle a choisi les films Serial Mom et Trash Fire. Deux films, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'elle a regardé ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas être bien à l'opposé plus que ça. Là, on a entendu mon petit bonhomme crier dans l'intercom. On aurait dit un perroquet. Ouais, je vais baisser le son un peu. Le son est trop fort pour rien, surtout que ma blonde n'est pas couchée encore. C'est bon. Excusez. Ça fait partie de la game. Mais c'est ça. Donc, on va voir si on a ri tant que ça à Serial Mom, Trash Fire, et jusqu'à quel point, on peut les considérer comme des films qui se rapprochent vers l'horreur. Je pense qu'on va voir. Là, je les ai nommés dans l'ordre de Serial Mom et Trash Fire, mais on va plutôt commencer avec le film Trash Fire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Steven, avant qu'on se lance dans l'eau chaude. Non, je suis prêt. Tu brûles d'envie d'écouter Trash Fire, de parler de Trash Fire? Littéralement. Fait que, il va y avoir une petite fille qui crie, puis on va parler de Trash Fire tout de suite après. Alors, on commence cet épisode sur les comédies noires avec le film Trash Fire, un film de 2016 réalisé et écrit par Richard Bates Jr. Ceux qui se disent, coudonc, ça me dit quelque chose, ce film, c'est que vous avez probablement vu ou entendu parler du film Excision, qui avait quand même fait beaucoup parler. Et entre autres, on a son actrice dans ce film, Anna-Lynn McCurd, qui revient dans ce film-là. Et sinon, on a aussi Adrian Grenier, pour ceux qui étaient bien fans de la série... je veux dire celle qui était bien fan de la série Entourage. Et Fionnuala Flanagan. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un film d'horreur. Son visage, elle me dit de quoi, mais elle a joué dans quoi d'autre? The Others. Ah, ben, mon t'as dit. La gouvernante dans The Others. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux voir un peu pourquoi déjà elle a ce petit feeling. Ouais. Alors, Trash Fire raconte l'histoire d'un couple qui va pas bien. Qui va vraiment pas bien du tout. Et alors qu'ils vont qui sont sur le point de se laisser, la fille annonce, ben, je suis enceinte. Et le gars est comme, oh, fuck. Puis là, OK, ben, je veux qu'on force notre couple. Je veux qu'on reste ensemble. C'est important pour moi. Puis elle dit, ben, écoute, c'est peut-être important pour toi, mais si tu me prouves, pour me prouver que tu vas être un bon père, ben, il faudrait que tu ailles te réconcilier avec ta sœur, qui est la seule survivante à part lui, d'un feu qui a ravagé ses parents, sa maison, puis même sa sœur est brûlée à 80% de son corps. Et c'est ça. Donc, il y a eu une grosse histoire un peu étrange par rapport à tout ça, puis sa blonde le pousse à aller régler tout ça. Et devra donc se rendre chez sa grand-mère, folle alliée. Pas besoin de le cacher, il le dit depuis le début. Oui. Pour aller essayer de remettre sa vie en ordre. Et évidemment, ça fonctionnera peut-être pas aussi bien qu'à penser. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec Trash Fire. Moi, je vais le dire tout de suite. Richard Bates Jr., son excision, je l'avais profond. Je l'avais très, très profond. J'ai même pas été capable de finir Excision tellement que j'avais vraiment détesté ce film. Oh, ok, je me demandais, c'était-tu profond? Non, j'ai détesté Excision. Ok. Je n'aime pas ce... J'avais trouvé ça prétentieux, mais bon, peu importe, si on n'est pas là pour faire le débat d'Excision, ça a été discuté maintes et maintes fois. Je pense même qu'on en avait parlé dans un podcast, je suis pas sûr. Possible. T'as-tu vu son deuxième? Non, bah, écoute, après ça, moi, j'ai arrêté, puis quand j'ai commencé Trash Fire, j'ai fait, voyons, c'est quoi cet anon-là, ça me dit quoi? Et évidemment, bah, alors, après ça, je me suis dit, ben écoute, on va lui donner sa chance, surtout je voyais qu'il allait un petit peu dans d'autres directions, même si on reconnaît un peu certaines façons de filmer, avec surtout ces plans où le personnage est en plein centre de la caméra, il parle comme si on était l'autre personnage, comme un peu moi maintenant sur la webcam. C'est comme si Richard Bates Jr. réalisait notre podcast sur YouTube. C'est plate à mort. Il y a un abus de ça, là, ça me gossait pendant le film. Je j'aimais pas ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben écoutons, c'est pas la réalisation qui va sauver le film. Ce sera peut-être ses acteurs. Ces acteurs font une job vraiment, vraiment très, très bien. Il n'y a aucun défaut là-dedans. Ils font une très bonne job, en autant que ce que les personnages qui lui sont donnés peuvent leur permettre de faire une job. Parce qu'on s'entend que Owen, le personnage principal, oui. Est pas un gars très, très sympathique à prime abord. Je crois que les 30 premières minutes du film, c'est pratiquement impossible de ne pas le détester. Puis on se demande pourquoi Angela, ben, je dis le nom de l'actrice, là. Mais, sa blonde s'appelle Isabelle. Isabelle, on se demande pourquoi Isabelle reste avec un tel trou de cul. Mais quand on dit trou de cul, il dit des choses que aucun homme ne devrait jamais dire à une femme. C'est vraiment dégueulasse. Puis même les moments qu'il essaie de se racheter, mais c'est tellement douteux, mais en même temps, ça fait partie du monde noir. Là. Mais moi, la scène où il arrive avec des fleurs de funérailles, puis il a fait une petite lettre d'excuse, mais de façon mort nécrologique. Là. Ouais, c'est ça, genre, elle était aimée de son chum, blablabla. Puis là, t'es comme, man, sérieusement, là, c'est le même que tu te rachètes. Là. Il y a une couronne mortuaire. Là, il a pas acheté un bouquet de fleurs, il a acheté une couronne mortuaire. Là. Elle dit bravo pour l'effort, mais c'est crissement déplacé. C'est ça, tu sais. Écoute, à un moment donné, c'est quoi, il dirait? Il dit, il me semble qu'on serait dû pour baiser. Il dit, toi, t'as le don d'être romantique, excuse-moi, pour être intime. Puis t'es comme, sérieux, man, là, c'est ça. C'était ça, là, que ton effort romantique, c'était de remplacer baiser par dire, on serait dû pour être intime. T'as peu, toi, tu l'as la fin. Écoute, c'est ça, comme tu dis, les 30 premières minutes, tu ne l'aimes pas, puis même elle, en bout de ligne, on ne l'aime pas parce qu'on se dit, mais voyons, mais qu'est-ce que... Tu sais, elle n'est pas simple... Tu sais, oui, tu as pitié d'elle, mais... Tu sais, elle n'est pas sympathique non plus, là. Bon, on la connaît pas plus qu'il faut, on la voit juste tout le temps en train d'y pardonner tout le long. En fait, la première demi-heure mise beaucoup sur Owen, puis c'est vraiment dans la deuxième partie qu'on va un peu plus être du côté d'Isabelle qui va devenir plus intéressante selon moi. Ouais. Mais moi, je vais t'avouer une chose, je dois t'avouer que les 30 premières minutes, j'ai eu un malin plaisir avec les dialogues très crunchy, voir Owen... se foutre de tout le monde. Il va ridiculiser les amis d'Isabelle, sa famille, son frère. Il envoie chier tout le monde un après l'autre, là, mais de façon tout le temps assassine. Là, là. Tout le temps assassine. J'irais pas jusqu'à dire que c'est du Tarantino, du même calibre, mais je trouve que les dialogues sont écrits et filmés comme un Tarantino en tant que tel. Le gars essaie de faire ça, je trouve. C'est comme plan fixe, je mise sur mes acteurs avec des dialogues plus crunchy qui sont assez longs. Je vois ton visage, Sébastien, je suis pas en train de dire que c'est du calibre de Tarantino. S'il te plaît. Mais je reconnais un peu. Il mise beaucoup sur ses dialogues pendant la première demi-heure, ça je l'accorde. Ce n'est que ça, de toute façon. Ce que je te dirais, c'est que c'est une première demi-heure qu'on se dit, mais ça va mener où, Carlis? À part juste nous montrer que c'est un trou de cul, tu sais. Jusqu'à ce qu'elle va y annoncer qu'elle est enceinte, tu fais juste comme, ouais, mais séparez-vous, là. Séparez-vous, mais voulez-vous bien vous lâcher? Ça mène à rien, ça mène à rien. Arrêtez, tu sais. Moi, là, j'étais juste sur mon divan puis je soupirais, là. Ben, tu soupires en même temps que les personnages, à soupir à chacune de ses interactions au gars. Je capotais, mais j'étais comme, mais c'est qu'est-ce qu'elle cherche, tu sais? Qu'est-ce qu'elle cherche dans un trou de cul de même, tu sais? Ah! Puis, tu sais, bon, ben là, c'est ça, il annonce qu'elle est enceinte et tout ça, puis là, tu fais, ok, bon, j'imagine que ça va être le plan, ce qui va déclencher tout le reste. Puis là, évidemment, c'est là que le film démarre, finalement. T'sais, le film démarre vraiment dans son histoire, je veux dire, dans son intrigue. Dans une évolution des personnages, parce que c'est là qu'Owen va vraiment tenter réellement de faire de quoi, chose qu'il n'a jamais réellement fait dans les 30 premières minutes. Mais je veux dire, tout le long, toute la première demi-heure, c'est genre une espèce de petit build-up pour nous préparer à ce qui va venir, parce qu'on n'arrête pas de nous montrer des flashbacks. Puis tu vois qu'Owen, psychologiquement, il a l'air d'être pas mal troublé par qu'est-ce qui s'est arrivé avec le film. On n'a aucune espèce d'idée réellement de qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il y a un genre de build-up, je suis comme, ok, j'ai hâte de voir sa famille, la manière qu'il en parle, ça a l'air d'être quelque chose d'éveillé. Fait que, on attend juste ça que le film se dirige vers là. Ouais, exactement, parce que moi, je te jure, là, les 30 premières minutes, là, je cherchais après quoi m'accrocher. Là. J'étais à bout. J'avais pas de fun. J'avais zéro fun. Je voyais juste pas pourquoi j'écoutais un film de deux personnes qui allaient se laisser. Mais tu sais, je veux dire, à l'exemple, je vais te dire Blue Valentine. Là, oui, ça joue pas dans le même. C'est pas dans le même pot. Mais tu sais, tu vois un couple qui va aller lentement vers la rupture et tout ça. Puis tu vois un couple se déchirer. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que les deux personnages, tu les aimes. T'sais. Tandis que Owen et Isabelle, sa blonde, t'en as rien à foutre. Surtout avec un. Tu sais. Surtout la première scène qu'on les voit ensemble au restaurant au début, tu sais. Il est déjà trop de cul, là. Tu sais. T'as même pas un moment où tu peux faire comme. Ah, mais j'aimerais ça qu'ils restent ensemble. C'est tellement un beau couple. Jamais tu te dis ça. Fait que tu sais, t'as aucun intérêt de les voir travailler sur leur couple. Fait que c'est ça qui me gossait un peu. Mais bon. Tout ça pour dire que le film démarre vraiment dans sa deuxième partie, lorsqu'il va arriver chez sa grand-mère et qu'on va découvrir le personnage de sa grand-mère et de sa sœur qui est rendue une genre de freak qui quitte jamais sa chambre. Brûlée à 83% de son corps. Qui se promène avec les cheveux longs dans la face, toute crottée. J'essayais de trouver à quel genre de personnage qu'elle me faisait penser, tu sais. C'est pas un genre de fille à la The Ring, là, tu sais, mais un peu cette attitude-là. Ça me rappelait comme The People Under the Stair. Tu sais, comme des enfants enfermés qui ont un agissement un peu animal, quasiment, la manière qu'elle va chercher ses assiettes en bas. Ouais. Il y a un petit quelque chose là-dessus, t'as tout à fait raison. Mais c'est ça, elle va chercher les assiettes en se cachant en face. On y voit pas la face avant les 10-15 minutes du film, facile. Ouais, à peu près. Et c'est là que, bon, on va découvrir à quel point que la grand-mère est une catholique complètement folle, qui tu l'as dit, qui est... Non, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit. Tu as mentionné quelqu'un tantôt hors enregistrement, qui disait que Fionnuala Flanagan interprétait vraiment très, très bien cette vieille femme. Et vraiment, moi, j'étais comme une petite vieille folle. Et tu la détestes. Ah, tu t'aimes la détester. C'est le fun de la détester. Parce que tu sais, je veux dire, tu n'as rien d'autre à faire qu'à la détester. Là. Le film essaye même pas de t'expliquer pourquoi qu'elle est folle de même. Tu sais, des fois, tu vas avoir un fou puis tu vas te dire, OK, admettons, je vais penser un peu à la mère de Carrie, tu sais. La mère de Carrie, elle est folle, mais tu sais, je sais pas... Son psyché est plus développé. Tandis que là-dedans, c'est juste checker la grosse vieille crise de folle qui se masturbe en regardant un télé-évangéliste, pis t'es comme « What the fuck? » Qui arrête pas de... Hein? Pour être honnête, cette scène-là, je pensais pas que tu l'aurais mentionné aussitôt, mais j'ai pas aimé ça. J'ai détesté cette scène-là. Non. Parce que c'est ça mon gros problème avec ce film-là. Je trouve que Richard Bates est beaucoup influencé par le cinéma de John Waters. Fait que je trouve que c'est pas anodin qu'on ait pris Serial Mom. Le gars s'en inspire beaucoup dans son style du mot noir. Le problème, c'est que contrairement à John Waters, lui, il essaie de mélanger le drame sérieux avec le mot noir. Mais dans celui-là, ça clash. Puis le moment où que la grand-mère, justement, se masturbe devant son émission religieuse, c'est tellement too much et ridicule que c'est... C'est pas le fun, mais c'est trop... Tu sais, je vois qu'il essaie de faire une genre de satire religieux sur la religion, mais c'est tellement gros... C'est souligné au marqueur que j'étais OK, dude, comment, là, tu pourrais peut-être faire ça de manière un peu plus subtile. Non, il n'y a rien de subtil là-dedans. Là, tu sais, jamais je regarde ça en me disant comme... Ah, ouais, c'est brillant, comment c'est amené. Non, non. Là. Ça fait chier parce que... Vieille folle, catholique, puis c'est tout, tu sais. ça va pas plus loin dans l'analyse. Moi, je trouve ça bien qu'on sache pas trop ce qui s'est passé. Tu sais, on a la version d'Owen qui explique comment l'accident s'est passé, mais tu sais, on n'est pas trop convaincu parce qu'il était un peu dans les vapes au moment où c'est arrivé. Fait, tu sais, on connaît pas la vraie histoire, puis on sait pas vraiment les motivations de la vieille qui déteste automatiquement Isabelle à son arrivée, puis qu'elle la lâche pas. Elle est bitch après Isabelle. Et ça me fait chier parce que... Elle dit plus tard. Oui, elle dit plus tard. Ouais. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est qu'autant je trouvais toute cette deuxième partie-là intéressante, pareil, malgré les moments too much, mais j'aimais le côté vraiment bitch de la vieille sans qu'on sache vraiment ses motivations. Et on va avoir une putain de longue scène avec le prêtre où qu'elle va tout dévoiler de A à Z. Pourquoi elle fait ci? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Vraiment. J'ai trouvé cette scène-là tellement mauvaise et insultante. Puis j'étais en train de me dire... OK, mais c'était ce personnage de prêtre-là qu'on voit à deux reprises. Il sert à quoi? Elle a-tu vraiment un intérêt d'y dévoiler son plan? Puis à un moment donné, dans le film, tu revois après ça, je me dis, OK, finalement, il sert à quelque chose. Non, il arrive, tu penses qu'il va faire de quoi, puis il s'en va. Fait que finalement, cette scène-là, elle sert à rien à part expliquer au spectateur la motivation. Puis j'ai trouvé ça poche. Comme, j'en veux pas de ta... Je veux pas savoir la motivation de la folle, elle est folle, puis c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Ben, si tu veux me faire une scène d'exposition aussi peu, aussi garrochée que ça, au moins fais-la avec un personnage du film, un personnage plus intéressant ou un personnage qui est utile. Je sais pas, moi, fais-moi-la déblatérer tout ça un peu avant la fin. Je pense à peut-être un ou deux moments que ça aurait pu fitter. Mm-hmm. Ah non, ça c'est ça, là. J'étais comme, moi je suis un peu aussi, j'étais comme toi, je me disais ok, elle en parle au prêtre, fait qu'on va voir le prêtre faire quelque chose, il va se passer quelque chose avec tout ça. Non, tu sais, c'était vraiment, là, cette scène-là ne servait qu'à nous autres. Puis même quand on apprend un peu ce qui s'est passé avec Owen quand il était jeune, tout le feu. Mm-hmm. Il fait une même scène d'exposition avec des flashbacks pis tout ça, alors qu'il l'explique à sa blonde. Mais là, tu fais comme... C'est pas la première fois que tu en parles. T'en as déjà parlé, tu sais. Mais en tout cas, c'est vraiment juste scène d'exposition, encore une fois, vraiment super bête. Rien de subtil. J'ai trouvé justement aussi les flashbacks un petit peu cheap. C'est répétitif. C'est tout le temps comme un effet de feu avec quelqu'un qui crie derrière. Puis il essaie de faire ça semi-artistique, semi-cauchemardesque. Je sais pas trop. Là. Ça m'a fait penser comme si comme Rob Zombie dans Halloween 2. Là. Son film de sorcière, Carlis. Lord of Salem. À la limite, c'était beaucoup plus intéressant comme. Je vais dire flashback, c'est pas des flashbacks. Expérimentation, tu sais. C'est comme on. Tant qu'à faire un flashback avec de quoi de fucker, tu sais, je préférais celui-là à Rob Zombie. J'avais l'impression quasiment que Richard Bates essayait de faire du truc de même, tu sais. Avec un peu de symbolique là-dedans, tu sais. Il lui manque des yeux, puis on bébé, puis là, tu es comme. Non, ça marche pas. Là. La grand-mère qui se voit tout en blanc, comme si c'était pur, puis tout ça. Tu sais, tu fais comme, regarde, là, man. Non, ça marchait pas tout le temps. Ce que je te dirais que j'ai aimé, c'est tout ce qui se passait avec la sœur, mais pas les moments avec la sœur, mais les trucs un peu freak qu'elle faisait. Tu sais, les moments pendant la nuit. Elle regarde Isabelle par un trou dans le mur. Tu sais, des moments de même où j'étais comme, est-ce que c'est bizarre? Ça faisait très film d'horreur. T'sais. Ouais. Mais les moments freak, mais que c'était pas freak ou je comprenais pas, avec la vieille, dont le truc en dessous de la maison, puis le truc avec le serpent, j'étais comme, c'est-tu au melon? C'est-tu supposé de me faire rire, tu sais? Je m'excuse, mais tu sais, pourquoi est-ce que le prêtre a un serpent à sonnette venimeux dans son bureau, tu sais? J'étais comme, non! C'était du gros n'importe quoi, tu sais. C'est encore des éléments qui vont trop dans le too much. Ouais. J'arrive pas à prendre ça au sérieux quand c'est aussi ridicule que ça. Ouais, mais c'était pas un ridicule que je me tapais ses cuisses ou quoi que ce soit. C'était un ridicule que je regardais le film avec un sourcil froncé puis je me disais « Ah, non, j'embarque pas là-dedans. » Tu sais, la péripétie en dessous de la maison, j'étais comme « J'ai aucune tension, j'ai aucun rien. Je regarde ça de froid. » Puis je me demande juste comment que ça va finir, alors que je suis pas mal sûr que ça va se finir d'une certaine façon. Tu sais, c'est drôle parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, je parle du film, j'ai l'impression de le démolir, alors que quand j'en ai parlé avec Marc-Antoine Labonté, je le défendais un peu plus que ça, le film. Ah ouais? Puis finalement, j'y repense, puis il y a vraiment des choses qui m'ont gossé. Mais tu l'as vu à Fantasia, excuse. Trash Fire, non, j'ai vu un si jeune Fantasia, puis son deuxième film aussi. Puis moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup aimé son premier film, parce que je trouvais qu'il arrivait habilement à mélanger le drame puis la comédie noire, puis à faire une progression. Fait que quand la fin, elle arrive, je trouve qu'elle a l'impact, puis ça fonctionne bien, tandis que dans Trash Fire, je trouve qu'il y a de la misère à dealer avec les deux, puis sa finale, elle a vraiment pas l'impact qu'elle serait supposée avoir, selon moi. J'ai zéro impact. Je trouve que ça a pas fonctionné. Et j'ai trouvé finalement le film confus, malgré que, contrairement à son deuxième, je sais que tu l'as pas vu, mais c'est son deuxième, il a fait ce film-là pendant qu'il était en dépression. C'était supposé être un film aussi noir que les autres, mais il en a fait une comédie fantôme à la Scooby-Doo. Et c'est vraiment weird. Le ton, le changement de ton ne fonctionne pas. Puis avec Trash Fire, il revient au premier film. Moi, c'est ça que j'aime. On retrouve l'humour vraiment noir de Incision avec le drame. Puis la même structure, c'est structuré de la même manière. Le film, la manière qu'il avance, là, on dirait que c'est quasiment le même scénario. Mm-hmm. Sauf que je trouve qu'encore là, c'est brouillon, à quelques reprises, ça fonctionne pas, puis les moments les plus intéressants, je trouve qu'ils élaborent pas assez. T'sais, là, ce que j'aime dans la deuxième partie, c'est pas juste forcément le côté freak de la sœur puis la vieille. Au contraire, je trouve que j'aime pas ça qu'il ait pris la sœur pour en faire un monstre. C'est difficile d'avoir pitié de sa sœur, de ce personnage-là, qu'on nous le montre comme justement un monstre et quelque chose d'inhumain, alors qu'elle a quand même une ou deux scènes plus humaines qui sont quand même venues me toucher. Puis comme j'aurais préféré que le réalisateur aborde plus cette approche-là. Et, puis tu vois, moi, ça m'avait fait cet effet-là dans Excision. Je pense qu'on n'a comme pas le choix en plus de faire le parallèle, c'est la même actrice. Dans Excision, je détestais son personnage. Ce personnage-là, je le détestais, j'avais aucun intérêt, j'étais incapable de la suivre puis d'avoir du plaisir à la suivre. J'étais juste comme. Elle est folle, puis j'avais. Puis elle était comme folle pour être folle. ça me tannait, tu sais, j'avais comme pas le feeling que j'avais un personnage qui était bien développé, autant que là-dedans, la grand-mère est pas bien développée, c'est pas parce que t'es catholique que t'es freak de même, tu sais, puis c'est pas parce que t'as été brûlé à 80% de ton corps que tu deviens une freak aux cheveux longs gras qui se cache dans le grenier quasiment, puis qui... Je veux bien croire qu'elle n'a pas eu d'autres contacts, puis qu'elle a été traumatisée par le fait qu'Owen l'a comme laissé tomber, puis est resté juste avec sa grand-mère coupée du monde. Mais je sais pas, on dirait que c'est forcé cet élément-là pour se dire, gars, faudrait que mon film soit un peu plus horrifique, fait que je vais faire ça. Puis non, tu sais, t'aurais pu juste rester dans la comédie noire, puis le drame sans que ça soit de l'horreur. Puis c'était déjà intéressant. Moi, le fait d'avoir Owen puis Isabelle travailler sur leur couple et avoir une évolution chez les grands-parents, avec chez la grand-mère, avec la mère d'alentour, je trouvais ça intéressant. Puis Isabelle est vraiment plus intéressante à partir de là, quand elle commence à s'assumer, à envoyer chez la grand-mère, ça devient cool parce que tu vois que là, elle arrête de se laisser marcher sur les pieds, puis elle assume les choses. Puis je trouvais ça intéressant du personnage. Vraiment. Mais tu sais, à part la scène de la fin, je pense pas qu'il y a beaucoup de spoilers, mais tu sais, clairement, t'sais, un moment donné, dans le film, ils ont le goût de sacrer le camp parce que c'est pas agréable d'être autour de la grand-mère qui est juste en train tout le temps de dire à Isabelle que c'est une pute, puis que ils vont aller en enfer, puis si leur enfant ça va être un bâtard, ou en tout cas peu importe tout ce qu'elle peut sortir. Mais tu sais, ce qui retient Owen puis Isabelle dans la maison, c'est que Owen veut un peu se faire pardonner par sa sœur, tu sais, parce qu'il se sent un peu coupable de tout ce qui s'est passé après le feu, de l'avoir laissé à sa grand-mère et tout ça. Mm-hmm. Puis, à deux reprises, il va voir sa sœur. La première fois, elle lui répond pas pantoute. Puis la deuxième fois, il parle, puis il dit « Laisse-moi rentrer dans ta chambre. » Il se parle au travers de la porte. Il dit « Laisse-moi rentrer dans ta chambre. » Puis elle dit « Non, je veux pas que tu me voyes. » Puis il dit « Mais le look a pas d'importance. Non, non, viens me voir à soir. » Puis là, j'étais comme « Mais vous parlez? » Vous parlez, parle-y, dis-y ce que t'as à dire là. À la limite, si tu veux pas qu'il voit ton corps, ton visage, ben vous pouvez parler en dehors, là. Tu sais, quelle belle scène ça aurait été de les avoir tous les deux adossés à la porte, puis se parler, tu sais, chacun de leur bord, tu sais. Puis justement, tu sais, puis je dis quelle belle scène. Même là, ça aurait été la scène quasiment la plus évidente, parce que on s'entend que là, t'as comme la porte qui joue le mur entre les deux, puis que tu la fais ouvrir ou pas pour montrer que la sœur veut pardonner, tu sais, ouvrir la porte montre le fait qu'elle pardonne ou quoi que ce soit. Mais non, elle dit d'attendre le soir pour qu'il vienne parler parce qu'elle veut pas qu'il avoue. Mais elle va laisser rentrer Isabelle en disant « Mets-toi le bandeau ses yeux qui est juste à côté de la porte. » Bon, j'imagine peut-être qu'elle faisait pas confiance à son frère, puis elle se disait il va l'enlever ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, mais tu sais, puis je comprenais pas Owen, tu sais. Parle-y à travers la porte, je peux comprendre que c'est peut-être un gars qui a de la misère avec la communication, mais sérieusement, à un moment donné, là, moi si je suis en maudit après quelqu'un, puis que la personne veut pas qu'on se parle, mais je suis en train d'y parler à travers une porte ou sur texto, je sais pas, je vais essayer de continuer. Dis-lui ce que t'as à dire, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, là. Puis au moins, tu vas te dire, ben écoute, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Puis c'est tout, tu sais. Fait que ça marchait pas. Rendu là, je trouvais que le film... Puis justement, tu sais, il amène à cette scène-là qui arrive le soir, justement, pour rajouter un peu de creepy à toute cette scène-là. Puis que j'étais comme, mais oui, mais on savait tellement que ça allait être une patente boboche de même. À part pour la réaction de la sœur. Mais, tu sais... Tout ça pour amener une scène qui aurait très bien pu se passer, justement, de chacun de le bord de la porte, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que le film manquait de finesse, manquait de... C'était... Il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient bien réfléchies là-dedans. J'ai juste senti que les acteurs donnaient tout ce qu'il y avait. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a personne là-dedans qui est à blâmer, à part le réalisateur qui est aussi l'auteur, je crois. Je pense que le plus gros problème vient au niveau de l'écriture, parce que en tant que metteur en scène, je respecte quand même un peu Richard Betts, parce que je trouve qu'il y a quand même un style à lui-même. Je trouve que quand ça fait 3 films que je vois de lui, puis tu me dirais pas, mettons, que Trash Fire, c'était réalisé par lui, mais je le reconnaîtrais, parce que je trouve qu'il y a quand même un style weird, mais il y a quand même une identité propre à lui. Mais je trouve que niveau scénario, il est perdu, le gars. Je sais pas, on dirait qu'il sait pas ce qu'il veut, puis il tente d'aborder toutes sortes d'idées, mais c'est tellement mélangé. Tu sais, même le personnage, la grand-mère, j'ai vraiment essayé de la comprendre. Tu sais, elle déteste Isabelle parce qu'elle la considère comme une pute qui couche d'un bord puis de l'autre, puis même que le bébé qu'elle porte, ben, il serait peut-être même pas de Owen. Mais tu sais, la grand-mère, elle a comme une haine envers le sexe et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'elle détestait sa fille aussi également, mais est obsédée également elle-même par le sexe. Elle couche avec le prêtre, elle se masturbe devant l'émission religieuse. Fait que, tu sais, je me dis, OK, c'est-tu parce qu'elle a été corrompue elle aussi qu'elle a comme une haine envers tout le monde qui reflète un peu ça, la sexualité, qui aime la sexualité. Mais même là, je trouvais pas, c'est... Je la comprenais pas, cette vieille-là. Elle était juste vraiment complètement folle à 100%. Ouais. Non, cette... Tu sais, c'est ça. C'était pas satisfaisant. C'est un film brouillon. Ouais. Ça m'a aucunement satisfait. Ça m'a pas... Ça m'a pas marqué. Je écoute... C'est son deuxième de Richard Bates que j'écoute. Puis... À moins vraiment que quelqu'un me dise « Non, Sébastien, écoute le prochain. » Je pense qu'il est très loin. Il est très loin de faire partie de ma liste des incontournables. Je comprends qu'il a son style à lui, mais c'est pas un style qui vient me chercher, mais pas en tout. N'empêche que dans le film, il y a quand même des petits moments que j'ai ri. J'ai bien aimé la scène de sexe, même si c'est malaisant, mais c'est ça du mot noir, c'est ouais. Malaisant et drôle en même temps, mais qui couche avec la fille, puis finalement, il commence à faire une crise d'épilepsie, parce qu'il en fait souvent, puis il commence à en faire une sur elle, mais elle ne la remarque pas, puis elle est comme c'est nouveau ça, puis elle est quasiment en train d'aimer sa nouvelle technique sexuelle, ouais. Mais en fait, il est juste en train de faire une crise. Ouais, c'est des petits moments de même que je trouvais drôle, mais. Il était très, très... Il était comme éparpillé, ces petits moments-là, tu sais. La comédie était très, très au début. Oui. C'est vraiment là-dedans qu'il essayait de faire sa comédie. Puis après ça, tu sais, je veux dire, même si la grand-mère dit des mardes puis que l'autre, elle y répond d'autres mardes, moi, j'appelle pas ça de la comédie, là. C'est juste du monde qui s'insulte, là, tu sais. Maintenant, moi, de la comédie, il faut que ce soit autre chose que juste du monde qui s'envoie chier. Parce que c'est plus drôle. Hein. C'est peut-être drôle 5 minutes de voir deux personnes s'envoyer chier, mais là, maintenant, tu fais comme « OK, t'as-tu d'autres choses à m'offrir? » Ou ça va être ça pendant encore une demi-heure, tu sais. Et ça a été ça encore pendant une demi-heure, parce que la deuxième partie, il essaie pas de faire de comédie à part ça. Ben, c'est du monde qui s'envoie chier comme la première partie, mais de manière plus sérieuse. Fait que c'est difficile de rire vraiment aux insultes. Ah, puis dans la première partie, on l'a pas mentionné, mais il y a une petite apparition de Pablo de Ash vs Evil Dead. Oui! Qui joue le. C'est que je cherchais ce que j'avais vu. T'as raison! Ah! C'est vrai, c'était Pablo! Ah oh, oui, qui joue un couple d'amis. Là. Couple d'amis qui se fait ramasser vraiment. Là. Ça, cette scène-là, j'ai trouvé quand même drôle, elle était le fun. Là. Tu vois, c'est probablement celle-là qui m'a le plus amusé. Ouais, je comprends. Je pense que c'est celle-là qui m'a le plus amusé. Parce que même si, sinon, l'autre avec le frère... C'est-tu son frère? Ouais. Qui lui ouais, aussi c'est est là... encore un autre catholique un peu trop viré sur le crinque. Là, t'es comme... T'as vraiment quelque chose contre les catholiques, man. T'sais, là, non, mais en même temps... Oui, vas-y. Il nous présente un autre personnage catholique qui est extrémiste, puis qui a zéro jugement, puis qui est pas brillant pour deux scènes, tu sais. Ça me gossait. Ben, c'est ça que je dis, il est pas subtil dans sa critique envers la religion, mais je pensais qu'il aurait pu faire de quoi d'intéressant avec ça, parce qu'il nous montre deux personnages où leur famille était très religieuse, qui ont grandi là-dedans. Fait que je me disais, bon, peut-être qu'il va essayer de faire de quoi avec ça, mais encore là, à part faire des jokes là-dessus, ça a pas servi à grand-chose. Non, c'est ça. Et honnêtement, la scène, une des scènes clés pratiquement que j'ai comme failli décrocher, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment, je vois pas en quoi c'est drôle, c'est la scène, justement, qu'elle y annonce qu'elle est enceinte, puis après, tout ce qu'elle dit dégueulasse. Mais quand il annonce ça, le gars dit deux autres phrases, je m'en rappelle plus mot pour mot ce qu'il dit, là. Mais. Ouais, c'est supposé être drôle, là. C'est supposé être. Non, mais c'est. Honnêtement, j'ai trouvé ça zéro drôle parce que c'était juste dégueulasse comme scène, puis j'étais comme, comment je peux arriver à. approuver de l'empathie ou quoi que ce soit envers ce personnage-là, c'est impossible. Ça, il dit quelque chose comme « Ah, mais écoute, un avortement, c'est quoi, 400$? On va splitter en deux, ouais. » Puis là, t'es comme « Mais man, je vais te casser à la gueule, tu vas te kicker dans la gorge. » Je sais pas, tu sais, là. Il méritait un coup de pied dans la gorge à ce moment-là. Ah, littéralement. Après ça, quand il arrive avec ses fleurs, puis son... justement, là, avec son speech. Son speech, comme si elle était morte, là, tu fais comme « Non! » Puis là, à ce moment-là, tu te vires vers elle, puis tu fais comme « Christ de conne! » Tu sais, j'étais comme « Voyons, mais là, ça va faire. Là, le gars, tu annonces que t'es enceinte, puis lui, il pitch tout de suite l'avortement en face. Clairement, c'est pas ça que tu veux. » Puis là, après ça, tu fais comme « Non, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on regarde ça ensemble, qu'on fasse un bout de chemin. » T'étais déjà en train de le laisser, ça fait des jours. Puis là, non. Même si, pourtant, c'est vrai, il réussit à faire en sorte que leur couple, dans la deuxième partie, tu commences à pouvoir peut-être y croire. Mais t'as quasiment envie qu'ils réussissent. T'sais. Chapeau pareil d'avoir réussi à me faire penser un peu ça avec des personnages comme ça. Mais t'sais. En même temps, je trouve que c'est de la très mauvaise écriture parce que c'est pas vrai que ça peut revenir aussi vite. Là. Ils sont là deux jours, deux, trois jours. Ouais, trois, quatre jours. Troisième jour, là, c'est comme « Ah, je voudrais redormir dans ton lit. Ah oui, chérie, viens me coller. » Puis là, c'était comme « T'as peur, là. Wow! » T'es même pas sûr que tu voulais avoir encore l'enfant avec lui. Là, non, mais... Je trouvais que tout ce que la grand-mère faisait comme bitcherie, c'était pas assez pour dire que ça les ramène ensemble. T'sais. Mais en même temps, je veux dire, elle voulait zéro enfant avec lui parce qu'il est complètement irresponsable, insensible, puis c'est difficile de voir un gars comme ça réussir à élever un enfant. Ben ouais. Mais je veux dire, c'est quoi, tu vas miser l'avenir et la vie de ton enfant sur le fait que s'il réussit à se réconcilier avec sa grand-mère puis sa sœur, c'est une preuve qu'il peut être assez responsable pour devenir père tout d'un coup, puis ouais. à faire pardonner toutes les vacheries qu'il t'a dit. Fait que Non, c'est ça. En plus, c'est toi qui l'as forcé à pardonner à sa grand-mère et à sa sœur. C'est pas lui, ça vient pas de lui. Là. Non, c'est vrai, ouais, en plus. C'est comme de dire à... Je sais pas, là, je la poussais trop forte. Non, oublie ça. oublie ça. Hey, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cet excellent film? Oui, non, je pense qu'on a fait le tour. Tes recommandations? Écoutez, si vous avez vraiment aimé son premier film et été déçu comme moi par son deuxième, ben location pour voir un peu, mais je suis resté quand même pas mal sur ma faim puis déçu encore une fois dans différentes raisons. Fait que c'est pas un très bon film. J'ai le goût de dire comme toi là, mais sérieusement, je dirais plutôt. Il y a tellement de meilleures comédies noires. Écoutez-le vraiment si vous voulez voir ce que Richard Bates Jr. a fait là, parce que vous avez aimé Excision puis vous voulez suivre. Mais si c'est pour écouter une comédie noire, oubliez ça. Il y en a... Écoute, on a juste été voir tantôt un top 50. Là, j'ai scrollé down vite, puis j'ai juste fait comme... Tout ça, c'est meilleur. Il y a rien là-dedans que je fais comme... Non, je vais préférer écouter Trash Fire. Non. Alors, pour du dark comedy, on oublie ça. Pour la filmographie, bon, ben rendu là, ça fait partie de vos goûts personnels. Exact. Ouais. Hey, on va y aller en musique. Oui, parce que c'est vrai, je voulais dire, il y a une chose positive que j'ai trouvée dans Trash Fire, et c'est sa soundtrack. Quelques moments, il utilise la musique indie un peu très douce, tu sais, quasiment guitare, solo et voix. Et... Il réussissait quasiment à me faire trouver ça touchant, même si j'étais tellement décroché, mais je faisais juste comme me dire « Hey, c'est pas mauvais ce tune-là, on va... Bon, je vais essayer de checker c'est qui chante ça, je vais écouter ça. » Fait que ça a peut-être été le positif que Trash Fire m'a amené. Fait que dans le fond, on va y aller en musique. C'est très doux, On a butché, fait que peut-être qu'on peut éviter quelque chose de moins élevé. Ça s'appelle You Will Stay With Me et c'est de Hannah Miller. Et on se retrouve après pour Serial Mom et on verra si on pense la même chose de ce film. Tantôt. If the tide rolls and bends, pulls me out, brings you in. If the wind twists about, picks me up, sets you down. Still I will never be free of your memory. You will stay with me. I'll never be free of your memory. You will stay. Steady light, if I fade, if you shine, when the earth shakes beneath, I uproot your buried deep. Still I will never be free of your memory. You will stay with me. I will never be free of your memory. You will stay with me. You stay with me. You will stay with me. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « Gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Eh bien, on est de retour avec notre deuxième comédie noire en espérant que ça soit de meilleur calibre pour moi et Sébastien. On y va avec Serial Mom de 1994, réalisé par John Waters, qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, et qui met en vedette Kathleen Turner et Matthew Lillard, surtout, que j'avais complètement oublié qu'il jouait là-dedans. Et Ricky, Ricky, comment elle s'appelait, elle? Ricky Lake. Ricky Lake? Ouais. Ouais. Ma copine s'en souvenait, j'ai comme fait, j'ai de la misère à la replacer, moi. Puis finalement, elle m'avait nommé une coupe de série, je crois qu'elle avait joué, je suis plus sûr. Ouais, puis elle avait, je pense qu'elle avait même un truc à un moment donné. Oui. Désolé, Chantal est venue. Wiki Lake! Et je veux mentionner un autre acteur qu'on n'a jamais vraiment vu, Je parle de Justin Wallin, qui joue le Andy un peu plus vieux dans Child's Play 3 et dans le très mauvais Donjons et Dragons. Yes! On va se rappeler surtout de Donjons et Dragons. Là, j'écoutais le film, j'étais comme, où c'est que je l'ai vu, ce gars-là? Puis là, je cherche la filmographie, puis là, je fais, asti, c'est le gars dans Donjons et Dragons, le film! Waouh, c'était merveilleux. Tellement c'était merveilleux. Ah! Et pour revenir à Serial Mom, ça raconte l'histoire d'une belle petite famille typique américaine où tout va bien, parfaite relation, ils font du recyclage, et vraiment ils mènent la petite vie américaine rêvée. Mais les enfants sont un petit peu rebelles, mais pas trop. Pas tant que ça, tu sais, ça y va mollo. Et finalement, plus les choses vont avancer, on va se rendre compte que la jolie maman inoffensive est en fait une serial killer, dans le fond, qui s'amuse à se venger sur les gens qui soit offusquent sa famille ou soit qui font des choses qui, selon elle, ne se fait pas. Et des choses parfois très ridicules. Tu dis? Et c'est ainsi de suite qu'on va voir son espèce de road rampage qui va arriver et on va suivre tous ces événements-là avec beaucoup de plaisir. T'oublies de mentionner que c'est un fait vécu, avec des guillemets. Excuse-moi, je vais dire tiré d'un fait vécu. Écoute. Ben, je sais pas quoi exactement, mais tiré d'un fait vécu. Ça a l'air qu'il y a déjà eu une famille à quelque part qui ont déjeuné un matin. C'est là-dessus que se sont basés. On en reparlera tantôt. T'as-tu été te renseigner pour le fun, pour en parler? Oui, ok, cool. Gars, tu sais quoi? Je vais pas y aller par 10 000 chemins. Je l'ai vu, ce film-là, à plusieurs reprises quand j'étais jeune. J'avais beaucoup aimé, mais je l'ai vu d'une manière qu'un enfant voit un film. Fait que je le voyais pas de la bonne façon. Et je l'ai pas revu depuis. Fait que c'est la première fois depuis ma jeunesse. Et j'ai eu un fun monstre. J'ai trippé du début jusqu'à la fin parce que ce film-là, ça se prend pas au sérieux, ça y va dans la stupidité, le weird, ça y va à fond, puis John Waters, ça enlève jamais de là, il reste sur le même chemin. Il assume son style, là, c'est qu'il l'assume. Il l'assume, puis il l'exploite de manière formidable, surtout avec une Kathleen Turner qui s'éclate. Elle a tellement l'air à triper, là. Ben, en fait, tous les personnages trippent là-dedans, c'est ça qui est le fun, tout le monde sait dans quel film qu'ils sont, et ils donnent tout ce qu'ils ont à faire, là. Moi, juste voir. Tu sais, on parlait d'ailleurs de la satire religieuse de l'autre film qui était tout croche de la religion. Ben, tu sais, John Waters fait une satire, mais sur tout, toute la vie globale des Américains. Il démolit tout ça, mais dans Too Much, mais en même temps, c'est ça l'ambiance du film. C'est surréaliste comme film. On dirait quasiment un sitcom là, qu'on écoute. Il manque juste les petits rires qu'on va avoir durant le tribunal de la fin. Que là, c'est vraiment un sitcom. C'est vraiment malade. Mais moi, dès le début, dès la première fois que tu découvres les premiers instants que Kathleen Turner n'est pas tout à fait normale puis qu'elle va téléphoner une des femmes de son voisinage pour la traiter de fuckface ou pussyface puis des affaires de merde. Ouais, ouais. C'est drôle. The bitch. Puis là, après ça, elle la rappelle en disant « Bonjour, je suis de la compagnie de téléphone. Puis on a su qu'il y avait du monde qui appelait pour vous menacer. Oui, on aimerait ça savoir ce qu'elle vous dit. Oh, je suis pas capable de répéter ces choses-là. Tu vois que ça l'offusque, puis qu'elle juste à bout, là. C'est que c'est drôle. Mais dès qu'elle appelle, dès que le téléphone sonne, tu vois déjà qu'elle a l'air crinquée, puis t'es comme « Mais on, pourquoi elle répond pas tout de suite? Elle a juste l'air comme méfiante du téléphone, puis on comprend assez rapidement pourquoi. » Écoute, moi, ce film-là, okay, je l'ai vu en 94, quand il est sorti. Ça fait que j'avais peut-être 12 ans. Puis, je me rappelais que j'avais vraiment aimé ça. C'est tout ce que je me souvenais, mais je me souvenais de rien. Je me souvenais de la pochette, je me souvenais que j'avais trippé, et c'est tout. Puis là, tu sais, quand j'ai vu, j'ai fait comme Kathleen Turner, tu sais, ah, c'est toi d'actrice pareil, tu sais. Je suis content de revoir un film avec elle. Puis là, je check ça, puis là, j'essaie de me dire. Dans quoi d'autre que je l'ai vu? Puis là, je check sa filmographie, puis je fais comme... Je l'ai vu nulle part ailleurs. Puis là, je fais comme... Ouais, je connais ce film-là, mais je l'ai pas vu. Ouais, je connais ce film-là, mais je l'ai pas vu. Puis là, je me rends compte, depuis toujours, dans ma tête, Kathleen Turner, j'adore cette actrice-là. Et finalement, j'ai rien vu, Serial Mom. Mais dans ma tête, c'est resté genre, astiche qu'elle est hot. Fait que finalement, écoute, c'est non, c'est que, hein, les, Les meurtres sont trippants. Les meurtres sont... C'est du gros... Puis on dirait qu'ils vont de plus en plus dans l'absurdité, là. Le premier meurtre, c'est... Le professeur d'école. Ouais, écoute, elle run dessus en char parce qu'il a pas voulu donner des bonnes notes à son gars. Puis son gars l'aime pas. Puis en plus, il mange de la gomme. Ça, c'est comme la goutte qui a fait déborder. Manger de la gomme à l'intérieur d'un bâtiment, ça se fait pas. Fait que là, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il y a tout un petit détail que tu fais comme... Pourquoi que... ça l'a fait tiquer, ça, là. La voisine qui recycle pas, tu sais. D'ailleurs, elle est pas morte, elle. Puis c'est quasiment... Ouais, c'est surprenant. Ouais. Ouais. T'as l'ex de la fille là, qui l'a laissé juste parce que sa fille a fait je suis triste, puis j'aimerais mieux qu'il meure. Ouais, c'est ça, elle dit. J'aimerais ça qu'il meure, tu sais. Je sais pas trop. Elle lance quelque chose un peu dans le vide, comme quand tu te fais laisser, tu sais. Fait que sa mère, elle s'en va avec un tison dans les toilettes. Elle y rentre dans le dos, puis envoie. Puis quand elle ressort le tison, qui a un bout d'entrave après, puis qu'elle est juste comme Erk, puis là, elle revient, la fille, elle fait comme « Oh mon Dieu, mon chum est mort, mon ex est mort. » Ben, mais là, tu voulais pas qu'il meure. Mais non! Quand, mais ce qui est drôle, c'est quand la famille commence à se dire « Shit, je pense que ma a tué du monde. » Ils sont comme, ils filent plus, là. T'as juste le fils, t'as juste celui joué par Mathieu Lillard qui trippe quasiment. C'est parce comme c'est les films d'horreur, tu sais. Puis lui, tu sais, c'est une autre affaire, là, la supposée critique des fans de films d'horreur et de métal. Ouais. Que, ouais, c'est la femme qui tue du monde! Ouais! elle brûle un gars live sur scène. Tout le monde est comme, yes! Puis elle, comme elle les regarde, puis, yeah! Avec ses grands sourires. Avec son surnom de Serial Mom. Serial Mom, elle trippe, elle l'a, là, tu sais. Ah, oh, God, mais c'est quand même cool. Par exemple, il y a quand même la scène où elle tue quelqu'un, puis il y a la blonde de Matthew Lillard qui voit faire ça. Puis qu'après ça, elle est comme, man, c'est pas comme un film d'horreur, c'est plus drôle, là. Non, c'est vraiment. C'est hot, ça. elle vient de la tuer avec, je pense, son gigot d'agneau ou de quoi de même. c'est une des meilleures scènes, là. C'est comme. Et derrière elle, la fille est en train de chanter le générique de Annie, une espèce de vieille bitch qui recule pas ses cassettes VHS aux vidéos. Fait que c'est ça qui a fait déborder le vase. C'est comme, tu veux pas reculer tes cassettes, toi, à mon fils? Ok, attends, minute. Puis pendant qu'elle se fait, elle écoute Annie, elle enlève ses chaussures, puis elle demande à son chien, ah ouais, liche-moi les pieds. Mais elle est toute humide. Là, t'es comme, mais quelle vieille folle que c'est ça! Elle vient pour la poignarder avec le couteau, t'es comme, oh, tu l'attends, t'es comme, ah non, elle change d'idée, elle retourne dans la cuisine, t'es comme, ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle prend juste le gros morceau de viande pour aller la frapper à mort avec le gros morceau de viande. Oh, God. Mais ce que j'aime vraiment, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que toute la première partie du film, on suit le petit train quotidien parfait de Kathleen Turner, tu sais, elle est passionnée des oiseaux, fait qu'elle lit son livre d'oiseaux à côté de son mari, sauf qu'en fait, elle lit pas le livre d'oiseaux. À l'intérieur, elle cache des documents, des articles sur Ted Bundy, toutes les tueurs en série. Ces petites cassettes qu'elle écoute, c'est des interviews avec les tueurs. C'est vraiment over the top. C'est comme la tueuse qui est fan des tueurs et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle, surtout que son personnage est écrit et joué comme une fille des années 60, c'est vraiment curieux, là. C'est vraiment comme une old school au bout. Là. Old school mom, là, tu sais, là, maman parfaite qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui aime ses enfants, qui fine avec son mari. Qui amène des petites gâteries à son professeur, tu sais, qui sait quel parent qui amène des petites gâteries au professeur, là, je vous ai amené des petits cookies ou je sais plus trop qu'est-ce qu'elle a amené. Elle fait des petites ventes de garage pour aider les bonnes œufs, puis tout ça, puis là, t'es comme, elle est parfaite, là. Mais ce qui est drôle, c'est que Son masque tombe rapidement, tu sais. Oui. T'sais, sa famille se met à en douter. La police est pas conne, tu sais. La police est comme... Elle louche. Quand t'as tous les chars de police qui attendent... Puis qui elle dit chars de police. C'est à peu près une dizaine. Là, elle est juste comme... Ah, oh, ben, coudonc. Puis, elle trippe, elle a zéro... On dirait qu'elle a comme... Elle trippe à tuer du monde, puis elle a... aucun remords. Pour elle, c'était comme... C'est comme toujours justifié. C'est normal. Fallait que je le tue. Parce il a fait ci ou il a dit ça. C'est ça. Oh. C'est drôle. À chaque fois que les deux policiers viennent la rendre visite, t'as la fille qui est joué justement par Ricky Lake. Misty qui est comme full allumé par un des policiers. Fait qu'à chaque fois, c'est comme hello, Mr. Officer. Puis il le regarde, il est comme oh. Puis il a l'air de se foutre de l'enquête ben, totalement. Là. Tout le monde, à toutes les fois qu'il la voit, c'est tout le temps comme oh, allô, le photographe. Ah oh, oui, très fou. C'est comme. Tu sais, puis. Bon, moi, Ricky Lake, je la trouve jolie, là, mais tu sais, on est. C'est pas une. Ils n'ont pas pris le top de top modèle. Là, elle est très naturelle. Ce n'est pas vraiment le pétard que tu vois tout de suite. Là. Ouais, c'est ça. Là, c'est la belle fille naturelle. Fait même pas, ils vont pas jouer sur le ouh, la grosse la fille a un gros tâton ou quoi que ce soit. Là, c'est juste quand elle lui fait un sourire et ils sont comme oh. Puis le troisième acte où ce que. T'sais, elle se fait arrêter, puis elle s'en va en procès, puis là, tu fais comme, OK, là, elle va perdre, là, elle va perdre son procès, mais là, tu regardes les affaires aller, puis tu fais, c'est-tu que ça a plus de rapport? C'est vraiment rendu trop loin. ça c'est over the top, ça va... Commencez pas à essayer de justifier les invraisemblables. Le film en regorge, mais le film l'assume, puis s'en fout. Tu sais, à toutes les fois qu'il y a même pour tuer quelqu'un, elle se promène devant tout le monde avec son tisonnier, elle nettoie même pas le sang après, elle ramène à la fille avec plein de sang. Tu sais, faut pas justifier. Le film, vraiment, c'est comme... Va dans son délai, puis l'assume, puis comme tu dis, le troisième match dans le jury, c'est juste over the top. Il arrive niaiserie par-dessus niaiserie, c'est drôle. Elle décide de se défendre elle-même, puis ça fait juste aller trop loin. Là. Ah, c'est tout que c'est drôle. Puis c'est drôle parce que tout le long durant le jury, elle fait juste en spotter une qu'elle met des souliers blancs après le Labor's Day. Puis c'est top. C'est mal vu. J'ai mal vu. Ma blonde, j'ai dit pourquoi les choses sur blanc après la fête du travail. Je sais pas si tu te sues, c'est quoi. Non, je comprenais dit, pas. Ma blonde a dit, c'est juste une affaire de mode. Elle a dit, l'été est fini. Fait que tu mets plus de chaussures blanches. Et c'est tout? C'est juste ça. elle en veut. Là. C'est comme, ça se fait pas. Là, t'sais. Puis même quand elle en parle plus tard dans le film, qu'elle dit, les chaussures blanches, on n'en met pas. Puis l'autre, elle fait comme, voilà, c'est une histoire de mode. Là. C'est passé. C'est passé, là. C'est fini. Là. On a arrêté de respecter ça. Coup de téléphone, ça y est. Ah! Puis là, que c'est rendu qu'il va y avoir un film sur elle, puis Susan Summers de ouais, Susan Vivre Summers. À 3 de qui va jouer son rôle. Puis écoute, c'est drôle. Je pourrais en parler, on pourrait se raconter des passes là. Elle fait juste rentrer. Suzanne qui rentre dans le jury, même le juge est obsédé par elle, puis « Oh, je vous ai tellement aimé dans cette télésérie-là », puis tout le monde trippe sur elle, là, c'est comme... il y a l'autre qui est en train de faire son témoignage, puis et là, vous m'écoutez pas, ouais, je t'écoute. Il y a personne qui écoute. Il y a plus rien à foutre. Quand elle s'en va pour aller tuer un des amis de son frère, puis qu'elle passe devant une maison, puis qu'ils sont en train de... manger un... Un morceau un de poulet. Viande. Un poulet. Oui. Puis elle a fait juste penser à ses petits oiseaux. Puis comme. À je vous tuer, mais c'est permet. Vous autres que je tue à soir. Oh, God, que c'est con. C'est du gros bonbon. Là. C'est du gros bonbon. Puis je suis content de l'avoir revu. Parce que, tu sais, je m'étais toujours dit. Ouais, il me semble que j'avais aimé ça. C'est réellement, mais c'est cool. Puis je passais à d'autres choses. Puis là, tu sais, quand t'avais comme nommé tous les films. Pour que Vicky choisisse. Puis t'avais mis Serial Mom, puis là j'étais comme oh god, faut qu'on prenne Serial Mom, faut qu'on le prenne, je veux juste le revoir, tu sais. Mais j'étais juste genre je veux qu'on le revoie. Ouais, moi aussi j'avais cet effet là. Asti que je suis content de l'avoir revu, man. Je suis tellement content là. C'est... Parce que ça va juste nous motiver à le revoir plus rapproché. Puis moi honnêtement, j'ai regardé un peu la filmographie de John Waters et j'en ai manqué beaucoup. Moi aussi, je suis pas un expert. C'est un de ses plus populaires que tu peux aller voir au Mayfair à Ottawa, ou que tu as même les petits cartons à gratter pour les 100 heures durant le film. Ouais, c'est Pink Flamingo, si je oui, me trompe Pink pas. Pink Flamingo, hein. Non, c'est ça, non? Chantal a dit que non. Non, t'as plus c'est quel, mais oui, c'est parce que Pink Flamingo est dans sa filmo. Mais, c'est tôt. Écoute, j'essaie de le chercher pendant qu'on parle d'autres choses. Ça serait dégueulasse. Elle dit ça serait Si c'était Pink Flamingo, elle dit que la senteur serait dégueulasse en tabarnak. Oui. C'est polyester. Ouais. Polyester. Puis moi, le premier film que j'ai vu de... Ben écoute, j'ai peut-être vu Serial Mom avant, finalement. Je pensais que c'était... C'est Cecil B. DeMented. Je pense que je l'ai même pas vu, celui-là. Très bon film. Très, très bon film. Un autre comédie noire aussi. C'est Nono, mais je crois que les principaux films de John Waters que j'ai vu, c'était Serial Mom, Peckers, avec Edward Furlong et Cry Baby. Ah, Cry Baby, ouais, évidemment. J'ai pas vu Airspray? J'ai pas vu Airspray non plus. C'est Polyester, le film que tu cherches en passant. Ok. Mais honnêtement, ça me donne franchement envie de... En fait, il y aura un coffret avec sa filmographie. Je serais vraiment intéressé de l'acheter puis tenter l'expérience. Sérieux. Ouais, sérieusement, là, parce que Serialmom m'a juste vendu totalement. C'est fun parce que, écoute, les scènes de club vidéo sont tripantes. C'est le club vidéo de John Waters qu'il y avait à l'époque. C'était son club vidéo à lui. Ah, pour vrai? Ouais. Nice! Et là, tu me demandais, on parlait de faits vécus. Oui. Et là, tout le long, j'étais comme, non, ben, c'est parce que le fait vécu, ça peut pas aller jusqu'au bout, là, tu sais. Je sais plus où est-ce que ça s'arrête, là. C'est pas un fait vécu. C'est zéro. Okay, c'est une farce, quoi? C'est une grosse farce. Ah. C'est juste John Waters qui joue avec nous autres, qui rit de nous autres. Il y a rien de vrai là-dedans. Y a rien, en même temps, crème, ça me surprend pas, là. C'est comme c'est trop ridicule. C'est ça, tu sais, au début tu fais comme OK, ben ça se peut encore. OK, ça se peut. Là, ta manette est juste comme non, là, ben là, ça se peut plus. C'est ça, je trouvais le fun. Tu sais, le film, on dirait que c'est comme s'il faisait comme vous me croyez-tu encore, là? Qu'est-ce que t'as fait vécu? Vous me croyez-tu encore, là? Parce que si vous me croyez, moi, je vais aller encore plus loin, là. Vous me croyez peut-être encore, mais tantôt, je suis pas sûr. Dans 5 minutes, on s'en repart. J'aurais dû mettre un tagline à la fin. Si vous pensez que c'est encore un fait vécu, ben, vous êtes sans dessin. Câlisse. Ah, puis, mais il y a une chose qui est... Écoute, là, ça je fais un GF de moi-même, OK? Oh! Mm-hmm. C'est très, très drôle parce que... la fille qui joue dans le jury, la fille aux chaussures blanches, j'ai oublié son nom, mais c'est une fille qui est très, très famous pour avoir été une fille qui a été victime du syndrome de Stockholm. C'était une fille de riche qui a été kidnappée par des activistes qui voulaient que son père donne de l'argent à des œuvres, puis tout ça, genre... Tu vas donner 2 millions à des pauvres, sinon on t'en donne pas ta fille, tout ça. Puis, elle a eu le syndrome de Stockholm. Puis, après avoir été libérée, elle s'est mise à faire partie du groupe, puis à être amoureuse même d'un des gars du groupe. Puis, elle a fait de la prison, puis tout ça. Puis, quand elle est ressortie de prison, elle a joué dans beaucoup de films de John Waters. Et il y a plein de monde qui ont voulu faire des films sur sa vie, tout ça. Puis, il y avait même quelqu'un un jour qui voulait faire une comédie musicale sur sa vie à elle. Puis, ça a juste jamais marché. Sauf que ce gars-là, éventuellement, s'est mis chumé avec Luc Plamondon. Et ensemble, ils ont écrit Starmania. Et dans Starmania, il y a une lectrice de nouvelles qui se fait kidnapper par un groupe d'activistes et qui tombe amoureux du personnage principal. c'est France Gall qui la joue. Fait que là, j'étais comme, c'est bien drôle, ça, je t'en fais écouter un film de John Waters. Et puis finalement, en passant à travers toutes les des recherches, tout ça, tout, je tombe sur Starmania. C'est très, très drôle. Fait que c'est ça, finalement, la seule histoire vraie dans tout le film, c'est avec cette fille-là dans le jury qui se passe. C'est un peu drôle, justement, que t'sais, dans ce film vrai-là, il y a quand même une vraie criminelle reconnue là, dans ce film-là. C'est pas elle qu'on pense. C'est ça. Mais, écoute, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans la section spoiler. J'espère qu'on n'en a pas trop raconté, puisqu'on en a laissé plein des anecdotes. Là. Ah, le film, ça n'arrête pas. Ça arrête pas. Sérieusement, je m'esclaffais. Tu sais, t'écoutes un film en gang, c'est drôle, tu ris. Mais des fois, tout seul, le film est drôle, mais tu souris. Mais là, non, c'était vraiment, là, je pèse, je pose, puis je ris. Là. La scène qu'elle retourne qu'elle va voir sa voisine à côté qui recycle pas, puis elle est avec l'autre femme qu'elle insulte au téléphone. Ouais. Puis finalement, Mona, en disant Poussy, ben, elle se rend compte que hey, ta voix ressemble pas mal à elle qui me faisait chier au téléphone. Là, je me dis, oh, elle se fait pogner. Non, non, elle fait exprès, elle a fait chier right now, puis elle pète l'espèce de petite tasse de. Oui, c'est ça, le l'œuf. Ah, c'est. Pendant 1 heure et demie, c'est juste gag après gag. C'est juste drôle. Le film va tout le temps à quelque part que tu fais comme, OK, je pensais pas qu'elle allait aller jusque-là. Puis tu surprends, puis... Ah! Puis tes manières qu'elle détourne des trucs pendant le procès, c'est tellement drôle. Là. Juste le gars qui était caché dans les toilettes, là, la manière qu'elle détourne. Parce que lui, tu fais comme, t'as pas eu l'or. Comment qu'elle va le détourner? Lui, plus tu le regardes, tu fais, oh, shit de merde! Ça n'a pas de sens. Ah! Mais c'est drôle, la vision que j'avais de ce film-là, c'était quelque chose de gros. Tu sais, pour moi, c'était un film de Columbia Pictures, puis c'était un film politiquement correct qui aurait joué dans des salles. Mais j'écoute ça, puis j'ai de la misère à croire, mettons, que ça allait passer au cinéma, parce qu'il y a vraiment des clins d'œil, puis des trucs vraiment nice qu'on verrait pas dans une grosse production. Tu sais, le fait que Matthew Lillard écoute plein de films d'horreur, mais quand va tuer le gars dans les toilettes avec son tisonné dans le dos, c'est clairement un hommage à Herschel Gordon Lewis, parce que juste avant, ils écoutent Bloodfeast, puis il arrive la même affaire avec l'espèce de poumon ou le fouet. Fait que tu sais, c'est vraiment cool de voir un hommage à Bloodfeast dans ça. C'est vraiment cool. Oui, exactement. Tu sais, puis je sais que la gang qui possède les droits pour Annie ont été très, très réticents. C'est parce que disons que c'est assez rough. Puis tu sais, il y a même de la porn dans le film avec l'ami qui est obsédé par la porn. Scène de masturbation assez élevée. Tu la regardes, t'es comme, man, qu'est-ce que tu fais? À ton âge, d'habitude, t'essaies de faire en sorte que tes parents puissent pas t'entendre. T'sais. Là, c'est le quartier. Là. Oh, God. Ah non, c'est ça, c'est. Bon, ben il y a Jeff qui m'écrit quelque chose, puis il dit que... Ah oui, c'est ça. Merci, Jeff. Jeff nous écoute live. Il me dit que le personnage, c'est Patty Hearst, qui était la tueuse. Oh, OK. Ouais. Merci, Jeff. Merci, Jeff, d'où que tu sois. je regarde, il y a zéro spectateur au moment du direct, mais coudonc, il était là pendant... Il est apparu, il a fait comme... Hop, ils ont besoin de moi dans un fun fact, puis il est reparti. il a juste popé, genre, on a besoin de moi. on c'est a besoin weird. De moi. Jeff, le super-héros des fun facts. Hey, écoute, je pense que je vais te poser la question, mais tu l'as dit tantôt, ta recommandation. C'est un achat. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai acheté ce film-là à 3$ dans un pack de 4 films. Fait que, gars, c'est donné, allez-y. Puis moi, j'attends une édition Blu-ray parce que j'en veux une, avec des bonus puis tout le kit. C'est-tu avec Nurse Betty puis Very Bad Things? Ouais, un espèce de marathon comédie noire. J'ai pas vu les autres. Serial Mom puis Very Bad Things, ces deux-là, ça en est deux très, très bons. Mais en effet... je vois du Blu-ray. Oui, il y a du Blu-ray, mais je sais pas jusqu'à quel point qui est bon. Okay. Ça n'est un bon, ça n'est un import par exemple. Mais ouais, je serais tenté par un coffret de John Waters. Ah oui, j'en veux un sérieux. Ouais, parce que, non, sérieusement, moi aussi, là, c'est un achat. Je vais sûrement vouloir réécouter ça un moment donné. Écoute, je vois un coffret de John Waters, mais il semble pas tout y avoir et Serial Mom n'y est pas. Ça se peut pas un coffret de John Waters sans Serial Mom. Ouais, c'est comme... de toute façon, regarde, il est à 750$ puis il y a 8 DVD. Alors, oublie ça. Il y en aura un autre. Il y en aura un autre plus tard. Je me rappelle plus c'est qui. Il y en a un qui la regarde et qui est comme, ouais, mais on vous a même surnommé Serial Mom. Ça vous dit-tu quelque chose? Non, non, moi, les seuls céréales que je connais, c'est les Rice Krispies. Oh, c'est naïf, c'est bonbon, c'est tout. C'est. Ah, regarde. C'est à écouter. C'est tout simplement ça. Ça nous prenait ça après Trash Fire. Je pense que c'est vraiment le destin. Ouais. S'il aurait fallu qu'on ait encore un autre film dans le même mood que Trash Fire. Oui. J'ai un t-shirt au début de l'épisode, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu, mais j'ai un t-shirt qui s'appelle Second is the Best. Et j'ai demandé à Steven subtilement quel film tu voudrais qu'on parle en deuxième. Et j'étais content qu'il me dise Serial Mom. Parce que je me suis dit, yes, on va être sur la même longueur d'onde. Mais j'ai aucune réserve sur Serial Mom. Sérieusement, je n'ai aucune réserve. À moi part que c'est peut-être pas votre style d'humour. Ça va être la seule réserve. Mais c'est pas parce que c'est mal fait. C'est vraiment juste une question de style d'humour. C'est vraiment cinglant. C'est du premier. T'accroches ou t'accroches pas. Parce que, sérieusement, dans ce style d'humour-là, c'est parfait. C'est du gros bonbon. Beaucoup d'amour pour le cinéma. Beaucoup d'amour pour juste nous faire passer un bon moment. J'ai trippé ma reine. Ça aurait été Susan Sarandon qui a été supposée faire le rôle. Mais elle n'était pas capable de se la payer. Susan Sarandon, j'aurais pas détesté. Mais je trouve que Kathleen Turner, elle a une face qui... Puis tu sais, puis quand elle fait juste sa petite face fâchée, là, sérieuse... T'es comme, voyons, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais surtout qu'elle a le profil, je trouve, d'une actrice des années 50, un peu plus que Susan Sarandon, parce qu'elle me rappelle beaucoup Samantha de Ma sorcière bien-aimée, un petit peu, c'est peut-être la couleur blonde, mais je veux dire, elle a le look, puis... Ouais, c'est vrai. Elle est trop bonne. J'adore Susan Sarandon, mais oh my god, je peux pas voir une autre femme que Kathleen Turner. Ce rôle-là est fait pour elle. C'est ça. Puis écoute, je sais qu'on a parlé beaucoup plus d'horreur pour Trash Fire. Évidemment, dans lui, il y a beaucoup moins d'horreur. Mais comme tu as dit, il y a du gore, il y a du sang, il y a des références à l'horreur. Je pense que si on aime l'humour noir, puis c'est ça, puis qu'on veut juste quelques petites références à Blockface, puis tout ça. Juste pour dire que, ouais, c'était de l'horreur. juste pour justifier que t'écoutes une comédie avec Kathleen Turner, mais que c'est dans le cadre de parce que t'es fan de films d'horreur. Ça vaut la peine. Sur ça, on va passer en musique. Autant que pour Trash Fire, on avait une musique très très douce, autant que là pour Serial Mom, on va y aller avec quelque chose de beaucoup plus, plus hard, parce qu'il y a une scène dans Serial Mom où ça va carrément dans un show métal. Puis cette scène-là est absurde aussi, là, parce que tout d'un coup, c'est pas parce que tu tripes métal que t'aimes ça voir des gens mourir, mais dans le film de John Waters, ça a l'air que tout le monde aime ça. La toune s'appelle Gas Chamber et c'est chanté par le groupe L7 qui est dans. Qui carrément celle qui joue sur scène dans le film. Ça déménage et on se retrouve après pour la conclusion. I'm on est de retour pour cette conclusion sur l'épisode Comédie Noire de l'Horreur Gamer Show. Deux films très très opposés. Un qui nous a vraiment fait rire, puis un qui nous a vraiment fait chier. ben écoutez, ceux qui l'ont et qui les ont vus, allez-y commenter, parce que bon, on est quand même juste deux à avoir dit nos opinions. Oui. Il y a plein d'autres mondes qui ont sûrement plein de choses à dire. On veut vous entendre. On veut vous lire. On veut aussi vous dire c'est quoi nos recommandations comme autre film comédie noire. Steven, t'avais quelque chose en tête, toi? Ouais, en fait, ça l'a changé à plusieurs reprises et je suis même plus capable de choisir. Fait que je vais en nommer deux rapidement. Puis c'est même plus l'autre que je t'ai nommé au début. Fait que mon premier rapidement, pas mal connu, Tucker and Dale versus Evil. Yes. Deux rednecks qui vont tomber sur une gang de jeunes qui accidentellement vont commencer à mourir l'un après l'autre croyant que les deux rednecks sont des tueurs et les deux rednecks croyant que les jeunes est une secte d'ados suicidaires qui veut les foutre dans la merde. C'est tellement drôle, les meurtres sont originales, c'est du bonbon. J'aime pas la finale par contre. Un peu plus convenu, c'est très classique. Ouais, puis dans... une justification tout ça avec un punch qui était pas nécessaire. Mais ça gâche pas le plaisir qu'on a. Et mon deuxième, à cause que Sébastien l'a nommé, puis j'ai qu'en fait, ah oh oui, il mérite d'être nommé. La mort vous va si bien, en français, Dead Become Her, avec Bruce Willis, Meryl Streep et Goldie Hawn. Vraiment bon. Les deux femmes qui se détestent, qui recherchent une solution miracle pour garder leur jeunesse. Ils vont tomber sur une potion spéciale d'immortalité, justement, qui vont faire en sorte qu'ils vont garder leur peau lisse et leur beauté. Malheureusement, ils vont commencer à s'entretuer et ne pas mourir. Fait que les deux corps vont commencer à se détériorer de toutes sortes de manières assez loufoques. Et mais Bruce toujours Willis, en restant belle, par contre. Oui, en restant belle, évidemment. Classique de ma jeunesse qui a super bien vieilli. J'ai acheté le Blu-ray de Scream Factory puis c'est du gros fun, ce film-là. Finalement, c'est un film de zombies. Oui. On pourrait dire ça, oui. Ouais, quand on cherche un film de zombies, Death Becomes Her, puis le monde fait comme... OK, oui. moi, c'est Jeff qui va être content parce que c'est un film qui m'a fait... c'est lui qui m'a recommandé à l'époque. Et c'est After Hours de Martin Scorsese. C'est un Christy de film qui est un genre de cauchemar réveillé avec Griffin Dune et Rosanna Arquette d'un gars qui devrait juste rentrer chez eux, aller se coucher puis rentrer au travail le lendemain, mais il décide plutôt d'appeler une fille de qui il a reçu un numéro de téléphone en sortant d'un petit resto. Et cette visite chez la fille-là va enclencher une série d'événements qui n'ont juste aucun putain de sens. Parce que maintenant, tu te dis, je vais me pincer, puis je vais me rendre compte que c'est un rêve. Parce que vraiment, tu regardes le film, tu fais, il s'en sortira jamais, il s'en sortira jamais, c'est un cauchemar. On va apprendre, à la fin, il va se réveiller. C'est vraiment excellent. J'adore ça. Je veux vraiment... Tu m'as vraiment mis l'eau à la bouche, mais c'est surtout que je me proclame gros fan de Martin et je n'ai même pas vu ce film. C'est comme what the fuck. Il passe beaucoup dans le beurre, ce film-là. On le voit pas souvent. Je pense que pour bien du monde, la pochette va leur dire de quoi, mais ils vont dire « Ah ouais, c'était du Scorsese. Je savais pas. » Donc, Tant mieux si ça vous fait découvrir un de ces films. Sinon, on a notre Patreon. Yeah. Patreon, toujours pour ceux qui nous écoutent live ou en différé, qui sont les heureux chanceux d'avoir l'intégralité des épisodes, même toutes les mardes qu'on peut dire, comme jouer à roche, papier, ciseaux, et des trucs comme ça. Mais honnêtement, on vous remercie toujours, la gang de Patreon. C'est grâce à vous qu'on est Tommy capable Boy. De... Ben oui, c'est ça. En particulier Tommy Boy, qui a droit à son shout-out à tous les épisodes parce que, lui, il a décidé. Il a décidé qu'il allait avoir son shout-out. Vous pourriez en faire autant. Ce serait à vous de voir à ça. Sinon, pour les voir de faire, je sais que c'est GF le boss, là, mais tu sais peut-être quand même c'est quoi qui va se passer. Là. Ben oui, on a un épisode spécial sur les enfants qui refusent de grandir. Pour le classique, on y va avec le film allemand, si je ne me trompe pas, Le Tambour. Oui. Et pour le Nanor Navet, on y va avec Hook de Steven Spielberg, qui va dans le sens contraire du thème, si on y pense comme il faut. Ouais, les enfants qui veulent pas grandir. Ben, celui-là, il a grandi, il a accepté. Le nanar mauvais, Hook. Ben, en fait, c'est parce que c'est le film que Steven Spielberg déteste et c'est considéré vraiment comme un avis quand tu vas voir les notes sur l'Internet. Le film est vraiment détesté. Ça, je dirais seulement Bangarang. Mais... je l'aime, Hook. Moi, j'adore ce film-là. J'adore. Écoute, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, là, mais dans ma tête, c'est encore le fun. Je mettais au club vidéo, il y a 10 ans, quand je travaillais, puis le monde passait, puis il était comme « Hey, c'est tout que c'est bon, ça! » Fait que je pense que le nanar mauvais, là, c'est d'être... Je ne veux pas vendre mon opinion, mais il mérite zéro son statut de nanar, admettons. Là. Vraiment non, pas. Je pense qu'il ferait un très bon fun de regarder film, parce qu'il y a bien des niaiseries à dire sur ce film-là. Mais ça reste que c'est un film qui est fait avec beaucoup de cœur, je crois. Et Dustin Hoffman fait un excellent oui. Captain Crochet. Fait un beau Captain Crochet vraiment troublé. Sinon, je pense que ce qu'on peut surtout y reprocher à ce film-là, c'est que tout est trop crayon très très gras. Il n'y a rien de subtil dans ce film-là. on aurait eu le goût de vous parler de ce qui s'en vient pour le prochain épisode. Mais là, il y a GF là, qui nous jase en différé sur mon cellulaire et qui ne semble pas d'accord avec ce qu'on a conclu. Donc, on va vous garder la surprise. Ce sera soit un spécial de quelque chose ou un spécial de quelque chose d'autre. Ouais, c'est clair, ça. Juste ça. Non, sérieusement, on va. Peu importe ce qu'on fera, l'autre sera là aussi à un moment donné. Vous lance des affaires de même. Peut-être que Jeff, il n'existe même pas. Il m'a même pas parlé. Pince-toi, after hour. Je suis peut-être juste en train de meubler du temps pour pas finir cet épisode. Finis ça, là. Oh, finis ça. Mais honnêtement, ce fut un épisode vraiment, vraiment le fun, Steven. C'est dommage que les autres n'aient pas pu être là parce que c'était vraiment des films à aller puis donner notre opinion là-dessus. Là. C'était vraiment trippant. Des films à beaucoup de matériel. Puis. J'aurais voulu savoir ce que nos amis avaient à dire. Peut-être le mentionneront-ils dans les commentaires sous la publication. Espérons. Je l'espère. Sinon, peut-être qu'ils vont faire une critique même sur le site. D'ailleurs, vous irez toujours sur le site visiter notre section critique. On n'est pas toujours à jour et on y va au fur et à mesure, mais c'est toujours une belle façon de savoir que moi, j'ai trippé sur Arrival. Non, ça a l'air que non. Je dirais ça de même, ça a l'air que non. Mais écoute, est-ce qu'on a autre chose à dire? Je pense que non. Ben écoute, Steven, je vais te dire bonne soirée. Bonne soirée, Sébastien. Hey, salut, gang. Et là-dessus, on se quitte avec un petit gardez-soir.